tous en place pour l'Iran Game. Il marche sous un soleil de plomb, il marche dans un désert sans nom. Les enfants devenus trop vieux, martyrs d'un chef religieux. Les enfants ne joueront plus jamais, ils portent désormais un béret. Ils sont les soldats de Dieu, les généraux sont fiers d'eux. Enfants de Dieu, enfants d'Allah, enfants de Dieu, enfants. Enrôlés de force dans l'armée, ils avancent au pas cadencé. Une pensée pour leur mère qui attend la fin de la guerre. Ils marchent sous un